Radiomatique. Thank you. Pour amorcer la transmission 484 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la chanson Remember Me du duo suédois Kite. Et c'est le duo équatorien Sexoless qui lance la prochaine séquence musicale à Audiomatic. Thank you. Nous venons d'entendre le groupe péruvien Liquid Arlo Celluloid et sa pièce Vidrios Rotos sobre Chromo Curvo, tirée de l'avant-dernier album intitulé Super Friction, publié en 2017. Avant Liquid Arlo Celluloid, c'était la formation Swerve Driver et la pièce Iverso, qui se retrouve sur l'album I Wasn't Born to Lose You, paru en 2015. Et on amorçait la séquence avec Sexores et sa pièce Las Aguas en los Bordes del Fuego, apparaissant sur le nouvel album Mar del Sur, paru en format physique sous forme de cassette et bien entendu disponible en numérique sur les plateformes reconnues. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec la formation danoise Kausa Sui. Il s'agissait à Audiomatic de la formation danoise Kausa Sui, de son mini-album Vibraciones Doradas, sorti en 2017. Nous avons présenté la pièce El Fuego. C'est le projet mexicain Avant-Garde qui assure la continuité à Audiomatic. Despierto. And I remember driving with you in my car. I want to erase my memory. I want to forget this steady ride through this cold and dark winter night. Constantine, and your Topsy, and your Darren, and your Sue, your David, your Tom, and your Sarah. And how are you? Audiomatique, nous venons d'écouter le duo Chris and Kazi, composé de Chris Carter et Fanny Kazi Tutti, deux ex-membres de la formation Throbbing Gristle. La pièce entendue, intitulée Little Houses, se présente comme le B-side du single October Love Song, paru en 1983. Avant Chris and Kazi, c'était la formation suisse Séance, de qui nous écoutions la pièce Pion, exclusive à Trans Europa, a Swiss-Swedish Techno Compilation, parue en 1989. Et pour amorcer la séquence, c'était le projet Avant-Garde et sa pièce Pesadillas, disponible sur la compilation Backup Mexican Techno Pop, qui donne un aperçu de la scène musicale électropop des années 80 au Mexique. En conclusion de cette transmission 484 d'Audiomatique, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de l'artiste anglais Alpha Sekito Leko, qui emprunte le pseudonyme de Alpha Mist de son plus récent album Variables, paru en 2023. Nous entendrons la pièce BC. La transmission 485 d'Audiomatique sera la prochaine à s'exprimer sur les ondes radiophoniques mercredi prochain dès 17h, ainsi que subséquemment dans les univers numériques sans contraintes spatio-temporelles. Les archives sont disponibles justement à travers notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Voici donc Alpha Mist et sa composition BC. C'était Audiomatique avec les sonoristes.